ma vie, la destinée tourbillonne. Je ne te demande plus de revenir vers moi. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois. Où vont les nuages blancs quand l'hiver vient d'arriver? Comment être indifférent quand le bonheur a dérivé? Je n'attends plus le printemps, non, il ne reviendra pas. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois. Où vont les nuages noirs chargés par la pluie d'orage? Pourquoi dans ma mémoire la tempête fait-elle? Mais je n'entends plus ta voix. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois. Le vent ne ramène jamais les nuages d'autrefois.